avait une buse albinos qui jouait à l'albatros en planant haut comme les avions. J'ai grandi chaque année comme les champignons dans la forêt d'à côté. On allait jouer à l'épée dans des châteaux en cabanon. Mon enfance épuisée s'est enfuie en sueur. Elle se souvient comme moi des grandes petites peurs qui balancent nos corps aux branches des arbres morts pour finir sur des feuilles quadrillées incolores où des profs en rouge, policiers, pédagogues nous charcutent l'émotion des peintures de Van Gogh. Mon enfance incomprise s'est mise soudain à boire, à enfoncer son corps dans l'amour des femmes, jusqu'à ce qu'elle se lève débordante comme la Loire de ce semblant d'ivresse qui fait d'elle des dames. Mon enfance a grandi, a oublié son nom. Les souvenirs qu'elle garde sont en prison. Elle m'attend quelque part, et si je savais où, j'arrêterais de boire, je rejouerais au loup. J'arrêterais de croire que les vrais grands, c'est vous. Je courrais dans les bois, en suant dans le cou. J'arrêterais de boire et de penser à vous, à vous. Et si je savais où, j'arrêterais de boire et de penser à vous. Et si je savais où, j'arrêterais de boire.